ans avec un dictionnaire. J'écris mes crises de nerfs. Les verbes font plus de morts qu'un pistolet. Le 7 des sortes de visionnaires. J'ferais bien la bise aux mères. Une lame de rasoir entre les chicots. J'veux pas qu'on dise qu'on m'aime quand j'crache ma voix derrière un micro. Augmente les décibels. Et si j'crève, écoute les messes d'une haine. Que j'me fasse bien entendre par toute l'espèce humaine. Le respect se mesure seulement avec les actes. On s'en fout si tu jacques. Ça changera pas en faisant du rap. On est des millions devant les dangers. Ça va rien changer de le chanter. Ensemble ou ensemble, alors prions dans les tranchées. Crions sans la santé pendant que terre et mer s'amoindrit. Fuyons dans nos pensées avant de se taire et faire une dinguerie. Pourquoi tu marches la tête baissée? Tu ressens ma slick de merde. À fuir le vrai, faut que tu comprennes que se défiler c'est pire que perdre. Alors fous le speul et peu importe la manière. Chacun porte sa bannière. On veut du bruit? Mettons les tous d'accord. Parce que la peste gagne à la guerre quand on épouse la mort. Du bruit? Essaye donc de rapper en priant. Autant l'ouvrir en se taisant ou la fermer en criant. On veut du bruit? Mettons les tous d'accord. Parce que la peste gagne à la guerre quand on épouse la mort. Du bruit? Essaye donc de rapper en priant. Autant l'ouvrir en se taisant ou la fermer en criant. Je me sens bien dans ma musique. Seul au monde, étouffé par une mélodie. Quand l'inspire vient dans ma tête, c'est l'orgie de mon pupitre. Je vois que le public s'élargit, je les encule tous, espérant que YouTube me paye une thérapie. Paradoxal, non, paradoxalement, je baisse le rap en faisant. Je fume du shit en pesant, du bruit, je sais même plus si je veux en faire. Que la terre entière baisse sa mère jusqu'en enfer. C'est bien moi et toutes mes contradictions. Je combats le mal par le mal, alliant le dictionnaire à ma diction. Mon addiction s'accroît avec la haine de ce que je fais. J'ai mal à la plume, je suis maçon, je le sais. Attends, je finis ce que j'ai commencé avant de juger. Le rap c'est ma peine, je finirai par la purger. Comment faire du bruit en silence, je ne sais pas. Dans un silence de mort, tu peux entendre le bruit de mes pas. Pourquoi faire du bruit si je peux t'abattre avec un silencieux? Même les criminels avant de tuer se mettent à prier Dieu. Je pousse un coup de gueule quand je suis bourré, Gérard Depardieu. J'ai pas le sourire pile qu'à mettre ses pecs dans la cité de Dieu. J'ai la rage d'un paysan qui vient défendre son territoire. L'histoire on la fera mais ça sans faire la pute sur le trottoir. J'ai repris le calumet car la douleur est trop intense. Je fais partie de la résistance de ceux qui peuvent cramer la France. Moi ma France est colorée mais la plupart ont le choléra. Après vous avoir dérobé on partira tous comme des rats. La ville après c'est pas la terre, la liberté c'est faire la guerre. Révolutionnaire comme un Black Panther. On veut du bruit? Mettons les tous d'accord. Parce que la peste gagne à la guerre quand on épouse la mort. Du bruit? Essaye donc de rapper en priant. Autant l'ouvrir en se taisant ou la fermer en criant. On veut du bruit? Mettons les tous d'accord. Parce que la peste gagne à la guerre quand on épouse la mort. Du bruit? Essaye donc de rapper en priant. Autant l'ouvrir en se taisant ou la fermer en criant. J'ai pas de la musique, j'braille du bruit. J'gratte des textes sanglants. Les cimes d'une réalité qu'on traînera encore 200 ans. Hip-hop dépendant depuis enfant. All eyes on me. J'suis pas de la musique, j'braille le bruit. Blessure et des pansements. Mes écrits récitent mes sept vies et dans celle-ci. Chaque fois que j'prends le mic, c'est pendant. J'braille du bruit, vu qu'ils sont sourds et aveugles. Le rap est mort, YouTube fait tourner sa veuve. Ligne 9, un pro saint là, j'mérite Montreuil. Chante des faces de par jour, ils ont pas un clou. Ils veulent acheter des marteaux Z. Bientôt dans la mer, Copens. Laisse, vers le Tcherno, on a le meilleur pour l'aine. Aquarium dans les loges, aquarium dans la chambre d'hôtel. Si vous aimez ma musique, faites du bruit. On veut du bruit? Mettons les tous d'accord. Parce que la peste gagne à la guerre quand on est.